L'actualité à Nancy et ailleurs. Samedi 13 avril, une date bien marquée sur l'agenda de l'association Metal Ride, puisque ce sera le concert à l'autre canal. Et pour nous en parler, nous avons au téléphone Thomas. Bonjour Thomas. Bonjour. Qui est président de l'association Metal Ride. Comment on se sent à quelques semaines, jours de ce concert ? Eh ben, on est extrêmement impatients d'accueillir du public pour faire une belle fête de métal avec nous à l'autre canal. Il y a eu plusieurs dates récemment, déjà organisées par l'autre canal, mais là, c'est vrai que pour nous, c'est un peu l'occasion de marquer le coup après les 5 éditions précédentes de notre festival, la dernière étant en 2013 avec notamment Gojira en tête d'affiche. Ouais. Donc là, on revient en force après un peu plus de 10 ans. Et donc, on a une affiche assez variée avec que des groupes français. On va y revenir sur la programmation. Mais avant ça, peut-être un mot sur l'association Metal Ride. Hein, avec, ça fait presque 20 ans maintenant que l'asso existe. Hein, c'était 2005, 2006. 2006, le premier concert organisé par l'association. Ouais. Thomas, toi, tu étais à l'origine de l'association ? Alors, pas du tout. Moi, j'ai rejoint l'association qu'en 2018. Mais effectivement, ça a été créé par des... une association vraiment de passionnés de musique métal. À la base, c'était un peu pour faire jouer les groupes des uns et des autres, et des connaissances, des amis, des uns et des autres. Et puis, petit à petit, ça s'est développé. Ça s'est un peu professionnalisé avec l'expérience qui arrivait au fil des années et au fil des concerts organisés. Au début, c'était aussi une association très jeune. Tout le monde avait autour de 18 ans. Et puis maintenant, on est tous entre 30 et 40 ans quasiment. Donc, on a un peu plus de bouteilles et on sait un peu plus comment s'y prendre. Et donc, voilà, c'est une association uniquement de bénévoles qui fait des concerts en grande majorité à Nancy, mais on a aussi commencé à tisser des partenariats à Épinal. On essaye de voir, organiser des choses à Metz avec les associations aussi qui existent là-bas. Enfin, voilà, on se développe. Voilà, pour mettre en lumière la scène métal, notamment du Grand Est. Absolument, bah, on a déjà reçu plusieurs têtes d'affiches internationales. Oui. Après, c'est vrai que nous, dans notre ADN, il y a aussi l'aspect de développer la scène locale, de faire jouer des groupes qui sont pas forcément très connus, que ce soit dans des bars, ou que ce soit justement de leur permettre d'avoir accès à une belle scène comme celle de l'autre canal, ou la Souris Verte à Épinal. Ça permet aussi à des petits groupes qui ont déjà un petit peu fait leur preuve et qui ont déjà aussi un petit peu d'expérience de pouvoir conquérir un public un peu plus large et sur une scène un peu plus propre que les premiers concerts dans les bars, comme pour tous les groupes. Là, ce sera donc l'autre canal qui vous accueille pour cette 6e édition. Ce sera le 13 avril. On peut parler donc de cette affiche 100% française. Donc là, on a une affiche assez variée avec un petit peu de tout. Il y a notamment en tête d'affiche le groupe 7, qui est un groupe de black metal de Bordeaux. On a aussi Chronos, qui est un groupe du coin qui vient d'Épinal et qui va célébrer les 20 ans de son premier album. Ça va être une belle fête. Et puis, on a après plus des choses modernes et qui percent pas mal en ce moment dans la scène nationale, notamment Resolve, qui font beaucoup parler d'eux. Ils ont fait des tournées avec des très gros groupes en ce moment de la scène, notamment While She Sleeps ou Rise of the North Star. Donc, c'est vraiment l'étoile montante du metalcore français en ce moment, Resolve. Et puis, on a aussi des groupes locaux, donc pour ouvrir tout ça, pour préparer un petit peu la soirée. On a notamment Depraved, qui est un groupe qui a beaucoup d'expérience sur Nancy, qui a joué avec énormément de groupes de la scène, Brutal Death, Grindcore, des choses comme ça. Donc, c'est plus énervé. Et puis, on a aussi DCA et HN, qui sont des groupes de Metz et de Paris, respectivement. On a tout vraiment une pluralité pour essayer de rendre compte un peu de la diversité de la scène française qu'on a la chance d'avoir dans notre pays. Et donc, ça permet aussi de permettre à ces groupes-là de venir proposer leur spectacle au public nancéen. À l'autre canal, le 13 avril. Est-ce qu'il faut déjà réserver sa place? C'est peut-être conseillé. Combien est l'entrée? En pré-vente, pour les adhérents de l'autre canal, c'est 27 euros. Et pour les non-adhérents, ce sera 32 euros. Donc, pour voir 6 groupes, c'est quand même assez raisonnable. Et effectivement, prenez vos billets dès que possible, ça part comme des petits pains, allez-y. Les 20 ans, on a évoqué ça vite fait, ça approche. Est-ce que vous avez déjà des idées, des envies, d'événements particuliers? Ah oui, absolument, je pense qu'on va forcément faire quelque chose de gros. Là, bon voilà, comme je disais, nous, le dernier festival, c'était en 2013, donc c'est aussi une manière de remettre le pied à l'étrier. Et oui, évidemment, on prépare déjà activement 2025 et 2026 niveau programmation. On a des belles surprises qui arrivent. Ouais. Pour suivre votre actu, bien sûr, on vous retrouve comment? Réseaux sociaux, site internet, tout ça? Sur les réseaux sociaux, voilà, c'est ça. On a tout. On a un site internet, une page Facebook, une page Instagram. Il y a tout ce qu'il faut. Super. Merci, Thomas. Et bien, merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.